J'avais 20 ans, une âme tendre, toi 16, avec tout à prendre. Quand je t'écrivais des poèmes où tout rimait avec je t'aime, tu étais encore écolière, c'était un peu avant la guerre. À l'orée de l'adolescence, le désir bouscule l'enfance. Dans l'herbe d'un printemps précoce, on s'est unis en simple noce. Notre témoin fut Dieu le Père, c'était un peu avant la guerre. Mais au rang des amours fautives, ce qui doit arriver, arrive. Ta taille prit de l'importance, on nous maria de toute urgence. Mais bientôt les choses changèrent, c'était un peu avant la guerre. Un uniforme sans retouche, un fusil et quatre cartouches. Les champs brûlés de la retraite, les barbelés de la défaite. Quelque part en terre étrangère, je nous revois avant la guerre. Où sont les 16 ans de ta vie? Je reviens. Et les printemps dans nos folies? Je reviens. Quand pour nous s'ouvraient sur la chance les portes d'or de l'insouciance. Je pense à toi. Et que tout brillait de lumière avant la nuit, avant la guerre. Avant la guerre. Avant la guerre. La guerre.